Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Salut tout le monde, je vous fais ce message un peu spécial pour vous dire que ça y est, notre campagne Ulule pour notre collection de livres pour enfants. Quand je serai grand, quand je serai grande, je serai trois petits points, est officiellement en ligne. Elle est même lancée depuis près d'une semaine maintenant. Vous allez voir, c'est génial, on a déjà presque atteint les 50%. On est hyper content. Enfin, je vous dis presque atteint les 50%, mais le message a été enregistré il y a quelques jours. Il sera diffusé en début de semaine, alors que là, il est le week-end au moment où je suis en train d'enregistrer ce message. Donc, qui sait où on sera? On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et de l'augmentation des participations à notre campagne de financement participatif. Et donc, c'est un nouveau numéro qui sera cette fois centré sur le métier de gardienne des océans. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. Si vous avez écouté le petit audio de lancement que j'avais fait la semaine dernière, on fait donc ce livre parce que nous, Lauriane, Quentin et moi, que vous connaissez sans doute à travers nos autres livres, notamment Mon métier aura du sens, mais aussi le livre Imagine demain. Et puis en fait, plus généralement, Quentin et Lauriane, ils sont à peu près derrière tous les visuels des 2030 Glorieuses. On avait vraiment envie de proposer, et ça vient de l'année dernière déjà, au moment du tome 1, de proposer de rêver de métiers enthousiasmants et à la hauteur des enjeux de notre siècle pour nos enfants. Et on s'est dit, bah allez, on se lance, on fait des livres et on verra si ça parle. La première campagne de financement participatif de 2024 avait vachement bien marché, donc du coup, ça nous a donné envie de revenir avec un tome 2. Et cette fois, on se base, comme pour le précédent où on parlait de Arnaud Créteau, qui est un boulanger solaire que j'avais interviewé dans le podcast 2030 Glorieux. Cette fois, on parle de Lamia SM Lali, on parle en tout cas de son travail, on part de son exemple pour montrer le travail de gardienne des océans. Et ces métiers, pour nous, ils sont hyper importants à montrer aux enfants, parce que si la littérature jeunesse, elle s'est vachement emparée, je trouve, des sujets écolos, mais pas que, en fait, de tous les sujets des 2030 glorieux, sur les questions d'équité, sur les questions de genre, sur plein d'enjeux de notre siècle, moi je trouve qu'au moment de se projeter dans l'avenir pour les jeunes, et notamment à travers la question du métier, qui revient quand même souvent dans les histoires de nos enfants, on n'avait encore pas tout à fait des propositions qui étaient à la hauteur de nous, ce qu'on a l'habitude de voir avec les 2030 glorieux. Les métiers en général sont un peu plan-plan où c'est parfois hyper poétique mais pas très concret et donc on s'est lancé avec ces métiers qui existent déjà en 2024, bon maintenant 25, et avec Lamia on donne la parole en fait cette fois aux baleines qui sont les protagonistes de notre histoire et qui montrent comment Lamia avec l'asso Sea Shepherd mais en fait plus généralement tout un mouvement est en train d'être mis en place pour protéger les baleines et leur milieu, les océans, et avec plein d'éléments aussi hyper intéressants sur pourquoi c'est aussi important. On n'en parle jamais assez de l'importance des océans et des animaux comme les baleines dans tous les équilibres écosystémiques desquels nous profitons bien. Et que pour l'instant, malheureusement, nous exploitons jusqu'à créer de gros déséquilibres. Le livre, il est terminé, enfin en tout cas, le PDF est terminé. On a besoin de votre aide pour lancer les rotatives. On a un imprimeur en France qui attend le go pour qu'on puisse faire la commande des quelques centaines d'exemplaires qui seront ensuite envoyés partout en France. Envoyés à temps en plus pour que vous receviez le livre de manière à ce qu'il soit en temps et en heure sous les pieds des sapins, le pied du sapin du coup. Je ne sais pas si vous en aurez plusieurs, j'en ai jamais eu moi plusieurs en tout cas, et j'y digresse, ça y est. Et donc si vous contribuez là à cette campagne de financement, c'est forcément un super cadeau pour les enfants que vous avez dans votre famille ou peut-être, je ne sais pas, que vous êtes parrain, marraine, peut-être que vous avez des amis ou des voisins qui ont des enfants et vous avez envie de leur faire ce cadeau. C'est plutôt pour les 3 à 7 ans, on dit, parce qu'à partir de 3 ans, on commence à être fasciné par ces images, on prend le temps de tourner les pages, je le vois moi à la maison, mais en fait, on a aussi plusieurs niveaux de détails, plusieurs niveaux de contexte, des ressources à la fin qui font qu'on peut tenir pour les plus grands jusqu'à 7-8 ans. Les retours qu'on nous a fait du précédent tome montraient que ça marchait bien pour cette tranche d'âge-là. Et puis si jamais, je vous parle du précédent tome, mais vous ne l'avez pas commandé l'année dernière, que vous découvrez toujours juste, peut-être même d'ailleurs avec cet audio, l'existence de notre collection. Pas de panique, on a plein de contreparties. Mais là, il faut se dépêcher parce que c'est peut-être déjà parti, même à l'heure où je vous parle, une contrepartie avec une dédicace spéciale de Quentin. On a des goodies qui sont assez sympas, des autocollants et tout ça, mais on a aussi du coup un pack de manière à ce que vous puissiez commander les deux tomes en même temps, qui sont au même format, sur la même, vous allez voir, sur la même DA graphique, et ça rend vachement bien, je pense, dans la bibliothèque, avec toujours les belles couleurs, mais aussi du coup une contrepartie qui sera cette fois avec un livre pour les enfants, un livre pour les parents, puisqu'on met aussi en avant notre précédent livre, Lauriane, Quentin et moi, c'est-à-dire Mon métier aura du sens, et c'est aussi une belle compilation si vous avez envie de plus largement faire des cadeaux. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vous en ai déjà suffisamment parlé. Alors, la campagne, elle a été lancée le 21 octobre et elle va courir jusqu'au 21 novembre. Donc, vous avez vraiment là encore 3 semaines pour contribuer, mais en fait, tout est question de dynamique. Et donc, c'est aussi pour ça que je fais ce message. Petit à petit, on va élargir le champ de la campagne à des cercles de plus en plus lointains. Vous qui suivez les 2030 Glorieuses, vous connaissez notre projet, vous connaissez mon travail, vous me suivez parfois depuis des années. Et donc, on compte vraiment sur vous pour que vous participiez tout de suite, vous puissiez soutenir, contribuer bien sûr, mais aussi relayer, en parler autour de vous. Si vous avez des gens de votre entourage que ça pourra intéresser, n'hésitez pas à leur envoyer un message, n'hésitez pas à leur envoyer le lien. Si vous avez des belles communautés sur les réseaux, un petit partage fera aussi forcément plaisir. C'est hyper important parce que derrière, on va en parler dans la presse, on va en parler à des milieux qui sont du coup un peu plus éloignés des 2030 Glorieuses, et c'est l'effet waouh des premières contributions, de la belle dynamique qui vont aussi donner envie à ces gens-là de participer. Et c'est dans ces configurations uniquement qu'une campagne Ulule comme ça, elle nous sort un peu des mains et elle nous dépasse, elle nous surprend et elle fait des miracles, et tout ça, ça sera grâce à vous. Voilà, on est trop trop fiers, on a vraiment envie de voir le moment où on va recevoir tous les cartons chez nous et qu'on commencera à procéder aux envois. Mais tout ça, on en reparlera, on vous révélera un peu les coulisses, on vous racontera l'impression, on vous racontera aussi comment ça avance. Et puis on a peut-être quelques surprises là, on est en train de parler à des assos notamment qui sont bien cool, engagés sur ces sujets, qui pourraient pourquoi pas faire des contreparties un peu express, mais j'en dis pas plus. Voilà, tout ça c'est donc pour vous annoncer que notre tome 2 de notre collection de livres pour enfants, Quand je serai grand, quand je serai grande, je serai gardienne des océans, est en ligne. C'est sur Ulule que ça se passe. Vous pouvez retrouver le lien de la campagne sur tous nos réseaux sociaux. S'il vous plaît, on compte sur vous. Allez, à très vite, salut! Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 Glorieuses. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuses.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuses qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 Glorieuses.